Bienvenue à Méloman, émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 14 septembre 2016 de Méloman. Nouvelle formule de 20h à 22h maintenant. On va le rappeler pour les 3-4 premières émissions pour pas que vous manquiez une heure de précieuse musique malencontreusement. Et de la précieuse musique qu'il va y en avoir ce soir. Faites-moi confiance, après nos petits spéciaux anniversaires et de la rentrée des deux dernières semaines, un beau varié qui nous attend, mes amis, assez représentatif de ce qui est supposé être mélomane à la base, soit si tant est qu'il soit supposé d'être quelque chose. Donc, si vous avez jamais écouté l'émission, c'est le moment ou jamais. Mais en même temps, je dis ça, puis je pense que ce soir, on va l'appeler le varié particulier parce que c'est presque un radio pirate par moment, sauf qu'on reste en 1958 et 1981 pour toute la soirée, mis à part une magnifique pièce composée en 1896, mais ça, on y reviendra. Donc bref, comme d'habitude, il faut rester ouvert d'esprit et comme d'habitude aussi, mais particulièrement ce soir, fiez-vous pas à un seul bloc pour vous faire une idée. Ça change vraiment beaucoup d'un à l'autre. Et il y a énormément de petites perles au pied carré ce soir. Bref, si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez jamais. On passe ça avec Alice Cooper, 99 ans, CFNJ.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et j'aimerais ça vous dire que le dernier bloc vient de vous donner une idée de ce qu'on va entendre ce soir, mais pas tant que ça finalement, si ce n'est que maintenant vous savez que vous ne pouvez pas savoir à quoi vous attendre et que ça va être bon, surtout comme en témoigne la pièce qu'on vient d'entendre. Bon, je le sais, du jazz pendant 10 minutes, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais mon Dieu, j'espère que vous avez réussi à vous laisser bercer par le swing langoureux du grand Cannonball Adderley, légende du saxophone en 1958. Avec, bien sûr, à ses côtés, nul autre que Miles Davis, idole des idoles, avec un air que vous connaissez aussi, Les Feuilles mortes de Jacques Prévert et Joseph Cosma. En fait, plus une musique de Joseph Cosma dans ce cas-ci, parce que c'est instrumental. Une chanson, Les Feuilles mortes, qui va être popularisée par Yves Montand en premier lieu, pas mal, et qui va devenir en anglais Autumn Leaves par Johnny Mercer, un des standards de jazz les plus joués de tous les temps. Mais on se tente jamais de l'entendre. Tout comme la Belge Sœur Sourire, qui peut se vanter d'être la toute première artiste francophone à s'être classée numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis, c'est pas rien, avec Dominique de 1962, qu'on a entendu juste avant et qui était précédé de manière tout à fait improbable d'Iggy Pop et ses Stooges avec l'excellente Down on the Street, qui ouvrait l'album Fun House de 1970 pile. Donc, on ne le dira jamais assez parce que des fois, avec le recul, on se rend pas tout à fait compte. Mais les Stooges, qui faisaient déjà du punk, les années 70 étaient même pas entamées. C'est ce qu'on appelle être avant-gardiste. Et le tout amorcé par le père de tout ce qui nous choque, mais qui nous débloque, Alice Cooper. En fait, le groupe Alice Cooper, parce que c'est juste en 1975... que ça va devenir un artiste solo. Et on a entendu l'ultra-classique Billion Dollar Babies de 1973. Et en fait, t'as aussi Alice Cooper et les Stooges, deux formations qui nous viennent de Détroit. Mais c'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'écouter Marvin Gaye, 99 ans, CFNJ. Oh, make me wanna holler the way they do my life, yeah. ain't it. No, no, baby, this ain't leaving. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call the street where I hello. The mother. Just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. We'll sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, the whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have not taken my place. Yeah, our little boy lost, he takes himself so seriously. He breaks of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. sing, need me someone that's not a parasite. And I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes everything's been returned which was owed. On the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The harmonicas play, the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remain. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras qu'ici on ne voit pas toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Là, et la De Who qu'on vient d'entendre, toujours à Mélomane sur les ondes du CFNJ 99.1 et 88.9 FM plutôt, ou encore sur CFNJ.net. Et oui, The Who avec Eyesight to the Blind, The Hawker, tout droit sorti du premier opéra rock de tous les temps, Tommy, de 1969. Mais ironiquement, Eyesight to the Blind, qui est la seule à ne pas avoir été composée par le groupe sur tout l'album double. En fait, c'est une chanson écrite par ce cher Sonny Boy Williamson, bluesman, dont on a parlé d'ailleurs la semaine passée. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est sûr qu'on en dit beaucoup. Mais bref, une vieille chanson de blues que Pete Townshend va arranger à merveille, si bien qu'on qu'on se rend peine compte que c'est un blues. Et je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner l'énorme batterie de Keith Moon qui va avoir une influence incroyable sur les choses à suivre. Et sinon, complètement ailleurs avec le bien-aimé Neil Young et son Love is a Rose, une chanson un peu moins connue quand même, enregistrée en 1974 pour l'album Homeground, qui finalement verra jamais le jour. Donc, il va falloir attendre en 1977 pour pouvoir l'entendre sur le vinyle triple Decade ou en CD, c'est double compilation que je recommande vivement à tout le monde, soit dit en passant. Donc, Love is a Rose, très belle chanson qui nous dit que l'amour, c'est comme une rose qui ne pousse que sur la vigne et qu'il faut donc pas la cueillir si on veut pas qu'elle flétrisse. Très belle parole de Neil Young qu'on retrouve dans toutes les sagesses orientales, par exemple. Mais là, écoutez, des belles chansons, c'est pas ça qui manquait dans le dernier bloc. La belle Françoise Hardy, juste avant, avec La maison où j'ai grandi, classique des classiques, en 1966, même année que la gigantesque Visions of Johanna de Dylan Bob, de son prénom, tiré du tout premier album double de l'histoire du rock, le légendaire Blonde on Blonde, le tout amorcé par la magnifique Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, dont le thème reste malheureusement plus que jamais d'actualité. Chanson du regretté Marvin Gaye en 1971. Donc, des icônes, en veux-tu, en v'là. Et là, voyez-vous, on voyage, on entend comme des enfants au loin. Et des icônes, c'est pas ça qui va manquer dans le prochain bloc non plus. Comme la prochaine, complètement intemporelle, Made in Québec, qu'on écoute à l'instant, 99.1 CFNJ. Trop nul. only find it slips away to gray. How's it bring me pain? Living reflections from a dream. I was her love, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. CFNG. I close my eyes and soon I'm feeling sleepy. I sleep so easy. There's nothing on my mind. Life seems kinda, I want her, she wants me. I walk downtown and as I look around me, all around me, the people smile at me. It's plain to see that I want her, she wants me. I would not make her sorry. There's nothing on my mind. And life seems kinda, I want her, she wants me. She told me to be careful if I love her. Ooh, 'cause she had given her heart once. She knows she doesn't have to worry. I would not make her sorry. With nothing on my mind, and life seems kinda. I want her, she wants me. I want her, she wants me. I want her, she wants me. I want her, she wants me. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. You don't want no money, you don't want no bread. jeté dans mon petit lit blanc. Ma mamie Fredeur naît en me berçant. L'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Je fermais les yeux en écoutant ma mamie qui chantait tout doucement. L'enfant d'eau dormira bientôt. La voix disait un jour viendra, tu t'en iras, tu te marieras. L'enfant d'eau, j'aurai le cœur gros. C'est toujours une peine étrange que de voir sa fille en robe blanche. L'enfant d'eau partira bientôt. Quand j'étais dans mon petit lit blanc, ma mamie fredonnait en me berçant. L'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Maintenant voici venu mon tour et je chante à ma fille au long des jours. L'enfant d'eau dormira bientôt. Combien de temps t'aurais-je à moi? Combien d'années ou combien de mois? L'enfant d'eau, le temps du berceau. Car les filles grandissent vite, au premier amour elles vous quittent. L'enfant d'eau partira bientôt. L'enfant d'eau partira bientôt. L'enfant d'eau, je sais qu'il le faut. Avec vous, partout dans la Nantière. Et sud de la Nodière pour les prochaines heures, dégagement un minimum de 8 degrés. Soleil jeudi, maximum 18 et ensoleillé vendredi, maximum de 22 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, dégagement pour les prochaines heures, un minimum de 4. Ensoleillé jeudi, maximum 19 et ensoleillé vendredi, maximum 22 degrés. CFNJ 99A. Et toujours à Mélomane pour un varié assez particulier, comme vous avez pu le constater. On vient d'entendre Petula Clark en 62 avec L'Enfant d'eau, reprise du fameux blues folk Cotton Fields de Huddy Ledbetter, le roi de la 12 cordes, comme on l'appelait. On le connaît aussi pour des chansons comme Midnight Special, reprise entre autres par CCR, comme Cotton Fields aussi, qui ont repris aussi, d'ailleurs. Mais on le connaît aussi pour des chansons comme Alberta, reprise par Eric Clapton, et Where Did You Sleep Last Night, reprise par Nirvana. Mais il y en a plusieurs autres, vraiment, des versions de ces chansons qui ont circulé au fil du temps. Et c'était précédé d'une des pièces maîtresses de la soirée, Lazy, un blues complètement déjanté de Deep Purple en 1972, qui nous vient du grand album Machine Head, pas mal un de leurs plus importants, avec la guitare inimitable de Ritchie Blackmore. On parle souvent de Jimmy Page, mais on devrait aussi parler un peu plus souvent de Blackmore, qui a amené beaucoup le néo-classique dans le gros rock qui va devenir tranquillement pas vite le métal. Donc sans Ritchie Blackmore, pas de Yngwie Malmsteen, etc., etc. Quoique de la pièce qu'on vient d'entendre, c'était vraiment blues-blues, il n'y avait pas tant de néo-classique dans cette pièce-ci, mais un gros apport de Ritchie Blackmore pour la guitare rock. Tout ça pour se transporter dans les 60s avec qui d'autre que les Sultans. Et pardonne-moi, de 66, les Sultans qui avaient aussi tout un guitariste d'un autre genre, Claude Reed, qui a fini par enseigner la guitare classique à l'Université de Montréal, entre autres choses, parce qu'il a vraiment enseigné à plusieurs endroits. Donc, assez prestigieux comme guitariste, très bon guitariste. Et c'était précédé d'un groupe que les Sultans ont souvent repris, justement, les Zombies, avec « I Want Her, She Wants Me », magnifique composition de Rod Argent en 1968. Rod Argent qui va d'ailleurs former plus tard le groupe Argent, excellent groupe aussi. Et un duo intemporel juste avant ça avec deux classiques acoustiques, Tangerine en 70 pour Led Zepp, on vient de parler de Jimmy Page, et aujourd'hui, je dis bonjour à la vie en 74 pour Harmonium, bien sûr. Donc, on peut pas se plaindre juste du bon stock, mais ça continue tout de go parce qu'on écoute Monsieur Redding au 99.1 CFNJ. Down in the valley, in the valley so low. Hang your head over your shoulder, and you can hear the four wind blow. touch my cheek. Remember, make us feel the tears. Remember. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Dans une maison sans balcon, sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands, même pas des injures si quelqu'un les entend. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi, je vois passer vos chiens, superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de chants d'étoiles et de pluie de jonquilles pour s'abriter aux épaules des filles. La dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Moi, je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture. Y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y a même pas d'oiseaux, même pas la nature. C'est même pas une maison. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my head's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge your tooth, the fins illuminate. perfect luminous. Fangled round the clam is dark below, the bowl is hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, the move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on and about you. Hey! Et donc, encore une fois, c'est pas la variété qui manque ce soir. Toujours en plein mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ avec le classique de Lynn Collins de 1972, soit Think About It, entre parenthèses, qui est une des chansons les plus échantillonnées de tous les temps, avec Funky Drummer de James Brown. D'ailleurs, vous avez sûrement reconnu l'échantillon en question qu'on a beaucoup, beaucoup entendu dans les chansons dance et rap des années 90, presque surutilisé. C'est pour ça qu'on revient à l'original. Et juste avant ça, complètement autre chose avec nul autre que Syd Barrett, version solo, membre fondateur du légendaire Pink Floyd. Vous connaissez sûrement l'histoire, M. Barrett qui s'est gentiment fait remercier après avoir fondé le groupe pour des raisons de santé mentale, par les autres membres du Floyd pour se faire graduellement remplacer par David Gilmour. D'ailleurs, on peut entendre M. Gilmour en arrière-plan qui a aidé Syd Barrett à terminer son premier album solo de Madcap Laughs, peut-être parce qu'il se sentait coupable un peu, qui sait. Album duquel on a entendu ici Terrapin de 1970. D'ailleurs, il y a un fameux show acoustique de David Gilmour qui circulait il y a une dizaine d'années là, où vous pouvez entendre M. Gilmour reprendre Terrapin de Syd Barrett. Donc, c'était pas juste par culpabilité qu'il a fait ça, mais bien par amitié et par admiration. Et c'était précédé, écoutez, encore une fois, de manière assez improbable, assez éclatée ce bloc-là quand même, de la sœur de Jacques Brel, Francisca. Et non, c'est pas vrai, c'est une vieille joke d'RBO. On parle évidemment de Cabrel Francis au début de sa carrière en 81 avec le chef-d'œuvre Répondez-moi. Et là, je pèse vraiment mes mots. Il faut vraiment écouter les paroles de cette chanson-là au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte de la plume inimitable de Cabrel. Et sinon, première partie de bloc années 60, que voulez-vous, encore une fois avec une petite perle des Stones de 66, soit Lady Jane, les Rolling Stones, que j'espère vous avoir fait découvrir sous un autre jour, si ce n'était pas déjà fait. Sinon, on a juste du plaisir à la réentendre, une petite pièce aux saveurs baroque pop, dont on avait déjà parlé plusieurs fois à l'émission, avec du clavecin et du dulcimer, joué par le multi-instrumentiste Brian Jones. J'avoue que pour moi, les Rolling Stones, les vrais, c'est le temps de Brian Jones. Et c'était précédé du classique des Shangri-Las, Remember Walking in the Sand de 64, et de la légende Otis Redding avec Down in the Valley de l'album Otis Blue de 1965. Un must pour tous les fans de soul déchirante. Et nous, on y retourne pour ce qui risque d'être notre dernier bloc de la soirée avec le groupe Mountain, 99.1 CFNJ. Now 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Step and move your hips with a let it get on me. C'est pas mal sur ça que ce qui conclut déjà notre rendez-vous de ce soir. Mais vous le savez, je vous laisse jamais sans au moins vous dire ce qu'on a entendu. On était dans le funk pour faire changement un peu avec Woman to Woman de Joe Cocker en 72. Encore une fois, très samplé par la suite par une profusion de rappeurs en tout genre. La grande Aretha Franklin aussi avec Rock Steady, un single de 71 sorti aussi en album un an plus tard. Et là, juste avant, une perle, encore une fois, qui avait plus ou moins rapport avec tout ce qu'on a entendu ce soir, soit la composition la plus connue du compositeur Francisco Tárrega, espagnol, en fait, compositeur espagnol, Recuerdos de la Alhambra, composition de 1896, qu'on a entendu ici par le guitariste Norbert Kraft en 1993. Très célèbre pièce de guitare classique qui suivait la toujours bienvenue Finnish Whistler du siffleur professionnel qui est Roger Whittaker en 1970. Et la même année, Mississippi Queen, classique du groupe Mountain. Et c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. Toujours un plaisir. Attendez, je vais vous organiser ça pour qu'on puisse, parce que là, je vois qu'ici, on est déjà rendu à l'autre émission. Dites-moi pas que je suis encore en train de buster mon temps. C'est pas drôle. Ils seront pas contents. Non, c'est pas vrai. On est tout près de l'autre émission. Donc, comme je vous disais, c'est là-dessus qu'on se quitte, chers amis. Toujours un plaisir. J'espère que vous avez apprécié les sélections de ce soir. Je vous invite à rester à l'écoute pour l'émission Blues-moi de Mme Ghislaine Boursier qui suit à l'instant. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 20h, pour un autre mélomane qui, cette fois-ci, devrait célébrer l'équinoxe d'automne. Donc, vraiment une émission particulière avec un mood vraiment différent parce qu'on va être en direct. On va être direct dessus, en fait, soit le 21 septembre. Donc, on se dit à la semaine prochaine et moi, je vous laisse avec une chanson qui nous vient du film L'Initiation de 1969 avec une chanteuse qui avait pas tout à fait trouvé son style, mais c'est vraiment une magnifique chanson. On écoute Diane Dufresne, 99 ans, CFNJ. C'est trop et c'est bien trop court. Ce n'est qu'un jeu. le donner 100 fois. Mon corps comme un feu de bois. Peut-être bien qu'un grand matin, il me prendra la main. Mon amour, un jour il viendra, mon amour. Il me fera vivre à mon tour une vie de qu'il viendra.